Le corbeau, partie 1. L'accent grave sur le sillon. Le corbeau, partie 2. Quoi, quoi, quoi? Rien. Le corbeau, partie 3. Les corbeaux passent sous un ciel bleu et sans couture. Tout à coup, l'un d'eux, qui est en tête, ralentit et trace un grand cercle. Les autres tournent autour de lui. Ils semblent danser une ronde par ennui de la route et faire des grâces avec leurs ailes tendues comme les plis d'une jupe. Un corbeau, tout à l'heure, annonçait malheur à quelque oiseau. « J'ai pris mon fusil et tué le corbeau. » Il ne s'était pas trompé.